Il s'y connaît en plagiat. Sérieusement ? Ça va les amigos ? Ouais. Je crois que c'est Jean-Jacques Goldman qui a déclaré confinement mes couilles, ouais. Je le trouvais plus modéré quand il était dans Goldman Frédéric Seth Jones, celui-là. En plus, il y a des tas de gens qui respectent en plus le confinement. En France, vous devez être quoi, 32, plus ou moins, en pénitencier. Moi, je suis hyper optimiste. En 2028, l'épidémie sera derrière nous. Hein. Nagui sera octogénaire. Bonne chance pour jouer à N'oubliez pas les paroles à cet âge-là. Hein. Elle a les yeux rêves verts, elle a le regard qui, de, qui le regard qui hein ouais, c'est pourquoi. Bref, cette chronique, elle est dédiée wow. à celles et ceux elle qui respectent Didier. Le confinement. Oui, elle est dédiée, mais c'est compliqué parce que j'entends tout le monde en son. Ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. Je vous dis, cette chronique, elle est dédiée à celles et ceux qui respectent le confinement parce que j'ai trouvé un plan confinement incroyable. Quoi, des masseuses à domicile avec bisous sur le périnée et finition au doigt de pied wow. Pas wow. du tout, Daniel. Wow. Je suis navré. Continuer à essayer tout seul. Une astuce, boire beaucoup d'eau pour la souplesse. Non, mon plan, c'est un plan grande culture. Figurez-vous que le Collège de France a mis en ligne 10 000 contenus totalement gratuits. Mais oui, j'ai vu. Des cours, des séminaires, des conférences. Et pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le Collège de France, j'avoue que je ne savais pas trop non plus. Pendant longtemps, j'ai cru que le Collège de France, c'était le seul collège qu'il y avait en France. Et je trouvais que ça expliquait pas mal de choses dans ce pays et dans cette émission. Je me disais, bah forcément, ils n'ont pas tous pu aller à l'école. Mais non, c'est une institution séculaire qui nous donne ici accès à tout savoir gratuitement. Et c'est ouais. merveilleux, non ouais. Limite, j'ai même hésité à partager l'info avec vous. Au début, je voulais garder ce plan pour moi tout seul. Je me disais, je vais me cultiver en scred. Et dans 2 mois, je vais venir en studio. Ils me reconnaîtront pas. Là, c'est marrant ce que vous dites là. Hein, ça me fait penser à un texte assez méconnu de Stendhal. Vous m'auriez fait, Ernesto, c'est toi? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Elle est brillante, ta chronique. On dirait du Marina Rollman. Bon, je sais. En attendant, on dirait du Jean-Michel Maire. Je sais. Aujourd'hui, mes références culturelles, c'est Vita et Slimane. En plus pointu, j'ai Théo Lavabo et son célèbre tube Chipolata. Mais ça va changer, hein. Cette semaine, pendant que vous serez occupé dans la bande originale à interviewer Vianney, Riyad Sattou, Fouflabi Flamand, moi, je serai à Bruxelles devant mon écran à suivre le séminaire Intelligence Proustienne et Imaginaire Mathématique. C'est 90 minutes, hein, dont 87 pour comprendre le titre. Il y a des tas de cours sur Proust, d'ailleurs, monsieur Picouli. Il y a un séminaire intitulé « Franchement, Proust, qu'est-ce qu'il a prouvé, ce type ?» Il y a une conférence du côté de chez Swan. On préfère pas tous la version de Dave. C'est vrai que c'est un peu long à lire, Proust, comme disait l'autre, à la recherche du temps perdu. Pour le lire, faut pas être cultivé, faut être au chômage. Hein. Ceci dit, ça peut tirer tout le monde vers le haut, cette initiative du Collège de France. Moi, je suis optimiste. En général, les gens, ils adorent s'instruire sur le net quand c'est gratuit. Hein. Regardez Pornhub. Moi, avant, je ne savais pas ce que c'était le Mexican Bondage. Oh, bah, maintenant, je sais. Merci de la gratuité. Vous savez que Pornhub, c'est 42 milliards de visites par an. Vous allez me dire, les gens cliquent plus vite sur une faciale que sur un cours sur le multilinguisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Pas faux. Mais à ça, j'ai une solution. Ça s'appelle unir ses forces. Il suffit que pendant leur cours, les profs du Collège de France fassent un tout petit peu pépon face cam. Allez, c'est parti. Je dis pas que ça va partir en double pénétration, mais un petit bisou sur le périnée, comme dans les tutos de Daniel. Ça va drainer du clic. Moi, je crois qu'il faudrait rendre gratuit tout ce qui rend intelligent, tous les documentaires du monde, tous les livres, tous les cours et tout ce qui permet à l'humanité de s'élever intellectuellement. Et puis faire payer très cher tout le reste. Les Marseillais Ibiza, payant. Pascal Pro sur CNews, tu regardes 2 minutes, puis on dit la suite est réservée aux abonnés. L'abonnement, 19 000 euros. Les chroniques de Marina Rollman, gratuites. Les chroniques de Guillermo Guise, payantes. Pour le moment. Rendez-vous dans 2 mois. Allez, bonne émission, les amis. Merci. Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter.